بسم الله الرحمن الرحيم دورة رمضان 1434 correspondant à juillet 2013 donné depuis Dar al-Hadith al-Salafiyya de Dammaj. 21e conférence sur les règles de Eid al-Fitr de Fouad al-Tunisi rahimahullah ta'ala. Inna alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أنس بن مالك رضي الله عنه أجي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine et a trouvé deux fêtes d'avant l'islam. Il informa sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah azza wa jalla l'aura changé en mieux par Eid après le jeûne, qu'on dit Eid al-Fitr et l'Eid du sacrifice, al-Adha. Et le Munawi, rahimallah ta'ala, a cité les deux noms de fêtes d'avant l'islam, voulus dans le hadith qui sont An-Nairouz ou Nourouz et le festival. Ces deux fêtes, c'est des fêtes perses. La première, c'est parmi les plus grandes fêtes nationales des Perses, ça veut dire les Iraniens, célébrées le 21 mars. Et la deuxième dure 6 jours, pendant le mois de Mahr. Et Al-Hassan al-Basri, rahimallahu ta'ala, a décrit Eid al-Fitr comme étant une salette et une aumône, ça veut dire une zakat. Et Al-Adha comme étant une salette et un sacrifice. Et en islam, il n'y a pas que ces deux fêtes, mais il y a une autre fête, celle du vendredi, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit اجتمعَ عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإن مجمعون إن شاء الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجة وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. Donc deux fêtes se sont réunies dans ce jour. Celui qui ne veut pas assister au discours du vendredi, il n'assiste pas, mais nous on effectuera le discours du vendredi et en plus la salat de Eid et son discours. Donc, l'Eid, comme l'a défini l'imam al-Nawawi, rahimallahu ta'ala, vient de la répétition de la chose, et l'imam al-Shawkani, rahimallahu ta'ala, l'a défini comme étant la répétition de la joie et du jeu. Et parmi les fêtes qu'on va accueillir, inshallah, dans les prochains jours, c'est l'Eid al-Fitr, à l'occasion de la fin du Ramadan, et c'est le premier jour du mois de Shawwal, et d'après ce que c'est connu dans l'histoire, que le premier Eid al-Fitr eut lieu la deuxième année d'après l'émigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vers Médine. La même année où fut rendu obligatoire le jeûne, il est interdit de jeûner ce jour-là. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, « قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر » متفقون عليه. Donc, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner pendant l'Eid al-Fitr et l'Eid al-Adha, et c'est venu d'après Omar et son fils Abdullah et Abi Huraira et Aisha radiallahu anhum. C'est pour cela qu'il y a eu le consensus de cette interdiction, c'est-à-dire l'interdiction de jeûner ce jour-là et le jour de Yom al-Adha. Et comme tout le monde presque le sait, que toute adoration a des règles et Eid al-Fitr en fait partie. En premier, en ce qui concerne la zakat. La zakat, ça veut dire c'est l'aumône, qui signifie dans la langue arabe l'augmentation et la purification. Et là, dans la charia, ça veut dire la législation islamique, l'augmentation des biens et une purification des péchés et du manquement de l'accomplissement des adorations. Après cela, on va passer à indiquer son jugement. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أخرجه البخاري وفي رواية قال رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين celui-ci aussi il est rapporté par البخاري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أخت أو صاعا من زبيب donc d'après Ibn Umar رضي الله عنهما que le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné d'acquitter la zakat de l'fitr. Donc elle est obligatoire avec une quantité précise qui est d'un sa. C'est une quantité, c'est quatre fois la quantité que se trouve dans les deux mains réunies. Et une seule fois de cette quantité s'appelle moud. De que ce soit des dattes, ou d'orge, ou de raisins secs, ou du lait fermenté sec, ou de la nourriture du pays. Et Cheikh Yahya Hafidhallahu Ta'ala fut questionné il y a quelques nuits sur le type du manger. Il répondit Hafidhallahu Ta'ala, c'est ce que représente de la nourriture comme le blé et autres. Le lait fermenté sec s'appelle en arabe al-akhit. Et les savants ont divergé sur la quantité du blé. Et le juste avis, c'est ce que Cheikh Al-Najmi Rahimahullah Ta'ala a désigné que c'est un sa' comme les autres catégories citées dans les preuves précédentes. Et Cheikh Ibn Hizam Hafidhallahu Ta'ala a dit qu'elle est obligatoire pour celui qui détient de la nourriture pour sa famille pendant la nuit et le jour de l'Aïd. Donc, قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول. Et le prophète صلى الله عليه وسلم nous informe qu'on doit commencer par ceux qui sont sous notre responsabilité. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. Et il suffit à la personne comme péché de négliger ceux qui sont sous sa responsabilité. Et le mari, il est obligé d'acquitter celle de sa femme et sur toute personne sous sa responsabilité, mais elle n'est pas obligatoire sur le fœtus qui est dans le ventre de sa mère, puisqu'on n'est pas sûr s'il naît vivant ou pas. Ce sa représente entre 2,2 kg et 2,5 kg. Et c'est mieux de faire comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire en sa, comme je vous ai expliqué avant. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا. Donc dans ce hadith ابن عمر رضي الله عنهما nous informe que le prophète صلى الله عليه وسلم il a obligé زكاة الفطر un صاع. Et ce صاع là comme je vais expliquer il vaut tant de kilos. Et la لجنة الدائمة sous la présidence de Cheikh Ibn Baz رحمه الله تعالى fut questionnée sur la quantité à sortir pour la زكاة d'al-fitr et son temps à qui on la donne en France et est-ce permis qu'un imam de mosquée digne de confiance la regroupe pour la distribuer aux pauvres. Et varie-t-elle selon la richesse? Et est-ce permis de la consacrer dans la construction des mosquées? Elle répondit, en ce qui concerne la quantité, elle est dans ça. Que ce soit de dattes, ou de blé, ou de raisins secs, ou de la nourriture. Et son temps, c'est entre la nuit qui précède le jour du Eid, jusqu'avant la salat du Eid. Et il est permis de la donner 2 ou 3 jours avant, on la distribue aux pauvres dans le pays où on réside. Et si on trouve des pauvres plus nécessiteux dans un autre pays, s'ils sont prioritaires, il est permis qu'un imam de mosquée, une personne digne de confiance, la regroupe et la distribue aux pauvres pour qu'elle leur arrive avant la salade de l'Aïd. C'est pour cela qu'il est permis qu'elle soit sortie avant 2 ou 3 jours. C'est-à-dire pour la distribution, et elle ne varie pas selon la richesse. C'est-à-dire, plus on est riche, plus que la zakat, elle augmente, et vice versa. Mais ce qui est obligatoire, c'est un sa', comme on a vu dans les hadiths, et elle est obligatoire pour celui qui possède de la nourriture pour sa famille, la nuit ou le jour de l'Aïd, et il n'est pas permis de la consacrer pour la construction des mosquées et d'autres projets. Fatwa numéro 6364, la question numéro 1. La preuve quant au fait de la sortir 2 jours ou 3 jours avant, et ce qui est rapporté d'après Ibn Umar radhiyallahu anhuma qui a dit وَكَانُوا يَعْطُونَ قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. Et Cheikh Ibn Hizam hafidhallahu ta'ala a dit ce que ce n'est pas permis de la sortir avant ce moment, sauf pour la regrouper et la distribuer aux pauvres, et il a pris comme preuve ce que Ibn Umar radhiyallahu anhuma a fait, et la preuve qu'il faut la sortir avant la prière de l'Aïd, c'est le hadith d'Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود بن ماجة. Où le prophète nous a indiqué que celui qui la sort avant la salat, c'est-à-dire la salat de l'Aïd, elle est acceptée autant que zakat d'al-fitr. Et celui qui la sort après, elle sera considérée comme une aumône normale. Et celui qui la sort après la salat de l'Aïd, il a commis un péché et il doit se repentir et il la sort pour les pauvres avec l'intention d'une simple aumône, voir la fatwa numéro 2896, question 1 et réponse 1. Et celui qui autorise de la sortir en argent, en prenant comme preuve ce que Mu'ad ibn Jabr radhiallahu anhu a dit aux Yéménites, ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. Donc, d'après ce Athar Ibn Jabal radiallahu anhu, on comprend que ce légiféré de la sortir en argent. Mais ce dernier, c'est-à-dire le hadith, le récit est faible, puisque Taous, son rapporteur, n'a pas rencontré Mu'ad radiallahu anhu, donc comment il a pu rapporter ça de lui radiallahu anhu. Et comme la preuve n'est pas authentique, alors le jugement il est interdit de l'acquitter en argent, et même s'il est authentique, il contredit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire. Une chose à signaler pour celui qui connaît des nécessiteux dans un autre pays, il doit leur envoyer de l'argent pour acquitter son aumône. C'est-à-dire il envoie de l'argent à quelqu'un, à une personne qu'il connaît, pour que lui il achète de la nourriture pour les personnes nécessiteuses dans les pays considérés. Et parmi les choses aussi qui sont recommandées, c'est les ablutions majeures. Puisque Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a reporté une preuve authentique que Ali radhiallahu anhu se fut questionné sur les ablutions majeures et il a informé qu'on peut les faire quand on veut, comme pour le vendredi, le jour de Arafat, le jour de Eid al-Fitr, ainsi le Eid de l'Adha. Et c'est venu qu'aussi Ibn Omar radhiallahu anhuma et Saïd ibn al-Musayyib rahimahullah l'ont fait. Et cela peut être obligatoire quand la personne n'est pas propre et son odeur nuit aux musulmans. Et les savants ont divergé quand c'est le moment des ablutions, et la vue juste, c'est que c'est avant la prière du Fajr. Comme l'a dit l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, et cela, il n'y a pas de preuve de la sunna, et le plus convenable que ce soit avant le Fajr, c'est-à-dire la salat du Fajr, puisque le temps est court entre la salat du Fajr et la prière de l'Aïd, pour que la personne prie dans les premiers rangs. « Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khayru sufuf al-rijali awaluha » rapporté par Muslim, comme il est mieux que la personne arrive dans les premiers temps pour le discours de l'Aïd dans le Musalla, un endroit dehors pour effectuer la salat du Aïd. Puisque Salama ibn al-Aqwa radiallahu anhu le faisait, il priait le Fajr dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis sortait directement vers le Musalla et attendait la sortie de l'imam pour les discours ainsi que la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Ihdhuru » الذكر ودن من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها من حديث سمرة ابن جندم رضي الله عنه عند أبي داود. Assistez au discours du rappel et rapprochez-vous de l'imam, car la personne ne cesse de s'éloigner jusqu'à être retardée au paradis même s'il y rentre. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وغدا وابتكر فدنا وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها. من حديث أوس ابن أوس رضي الله عنه عند النسائي. Celui qui se lave et parle le plus tôt possible et se rapproche de l'imam et écoute et se concentre aura pour chaque pas la récompense d'une année de jeûne et de prière de nuit. En ce qui concerne son temps d'accomplissement favorable, c'est après le lever du soleil. فعن أبي عمير ابن أنس قال أخبرني عمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا سياما فجاء ركب من آخر النهار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. Puisqu'une fois les compagnons رضي الله عنهم et plus précisément les Ansar رضي الله عنهم n'ont pas su que c'était le jour de l'Aïd, alors qu'ils jeûnaient jusqu'à ce que la venue d'un groupe après le Dhuhr qui ont informé que c'était ce jour de l'Aïd. Alors ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a ordonné de fêter le Eid le lendemain. Et Al-Hafidh ibn Hajar a dit dans le Fath que le jour débute après le lever du soleil et avant ce temps-là, la prière de l'Eid est interdite comme son dernier temps d'accomplissement et avant le Dhuhr. Et la preuve de cela, l'histoire de quelques oncles des Ansar d'Abi Umayr ibn Anas, c'était auparavant car ils sont venus après le Dhuhr. Et ils ont témoigné que c'était le jour de l'Aïd. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné d'attendre demain pour fêter l'Aïd. Et si dans le cas ils sont venus avant le Dhuhr, ils ont le temps d'accomplir la salat et le discours de l'Aïd avant le Dhuhr, qu'ils le fassent. Si c'est impossible, qu'ils le retardent pour le lendemain. Donc pour l'habillement ce jour-là, on n'a pas de preuve qui désigne un habit spécifique, sauf la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Elbisou habillez-vous en blanc, et ça c'est général et de préférence pour tout moment, et que ce ne soit pas le fait de s'habiller en blanc et avec des beaux habits une cause d'orgueil et de fierté, puisque le prophète sallam a dit بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Tandis qu'un homme marchait portant une hulla, se montrant orgueilleux, les cheveux mille ans peignés, Allah Azza wa Jal le fit engloutir par la terre et il tomba jusqu'au le jour du jugement. Et c'est bien qu'on ait habitué nos enfants à ce noble comportement, puisque c'est une indication prophétique pour la communauté. Donc, on fait de sorte que pendant l'Aïd, on s'habille en blanc, ainsi que le reste des jours, mais la femme s'habille en noir, puisque Aïcha radhiallahu anha informait qu'elle sortait habillée en noir, pour qu'on ne puisse pas les reconnaître. Et aussi des choses à éviter pour les sœurs de sortir parfumées et qu'elles mettent pas des habits de mécréantes en dessous de leur jilbab. Et elle doit être visage couvert ainsi que les mains et qu'elles assistent à la salette et le discours du vendredi. Les hadiths Umm Atiyya radhiallahu anha قالت يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور الحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزلن الحيض المصلى. Rapporté par Al-Bukhari. Puisque Umm Atiyya, qui se prénomme Nusayba radhiallahu anha, a dit que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé les femmes de sortir et d'assister à cette fête, et que celles qui sont en période de menstrues, qu'elles s'écartent à part pour ne pas gêner les autres en salette. Après, elles peuvent se mélanger. Après, une chose à ne pas négliger, que les sœurs ne regardent pas les autres femmes comme elles sortent, qu'Allah les guide vers le droit chemin, puisqu'elles ne sont pas un exemple à suivre. Et parmi les choses à éviter aussi pour les frères et les sœurs, c'est la mixité pour s'y rendre à la fête de l'Aïd. Et si elles ne trouvent pas un moyen de sortir, qu'elles patientent et qu'elles prient chez elles, et Inch'Allah, elles seront récompensées pour leur intention. Et parmi les choses aussi à faire, c'est de manger avant de partir pour la salette et le discours de l'Aïd, et de préférence des dates. فعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. Rapporté par Al-Bukhari. D'après Anas ibn Malik رضي الله عنه, que le prophète صلى الله عليه وسلم ne sortait pas de chez lui le jour de l'Aïd sans avoir mangé des dates, et de préférence qu'elles soient de nombre impair pour la généralité de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. لله 99 اسما مئة إلا واحد لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. Celui qui apprend et applique ce qu'il y a dans les 99 noms d'Allah rentre au paradis, et Allah est un et il aime les choses impaires. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué de s'y rendre à chaque salat en groupe, en marchant, comme l'a dit l'imam Shawkani rahimahullah ta'ala, en citant les deux Eid. Et la preuve de cela, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné, si on part à la salette, qu'on part en marchant. Une remarque ici, comme l'a dit l'imam Ahmad rahimallahu ta'ala, et autre, que celui qui habite loin pendant l'Aïd ou autre, et que le temps ne lui suffit pas pour s'y rendre à pied, qu'il prenne une monture, et qu'Allah facilite la demande à tout le monde. Et c'est mieux aussi que la personne prend un chemin pour l'aller et un autre pour le retour, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, comme l'a dit Jabr radhiallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari. Et l'imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala a cité quelques sagesses tirées par ce geste en disant: il sallallahu alayhi wa sallam changeait de chemin le jour de l'Aïd pour l'aller et le retour, pour qu'il puisse passer le salam pour les gens des deux chemins, et pour leur rendre service, pour montrer l'exemple à suivre dans les adorations, et aussi pour remplir des dépits les hypocrites et les mécréants, et aussi que chaque pas sera la cause qu'il t'élève d'un degré, et l'autre que t'enlève un péché. Pour cela, réviser Zad al-Ma'ad, volume 1, page 448. Et comme on a vu dans une des preuves, que la salette et le discours de l'Aïd se font dans le Musalla, et parmi ces preuves, le hadith d'Umm Atiyya radhiallahu anha, et que celles qui sont en période de menstrues, c'est Zad du Musalla. C'est-à-dire, elle ne prie pas, mais quand c'est le discours, elle s'avance et elle se mélange aux sœurs. Et si on ne peut pas l'effectuer dans le Musalla, que ce soit à cause du fait qu'il n'y a pas un endroit, ou à cause de la pluie, ou du froid, ou du vent, ou de la chaleur, ou de la peur, et ce qui est connu en France, c'est un endroit vide, il faudra demander l'autorisation de la mairie. Celle accepte, alhamdoulilah, et c'est dans le cas contraire, pour montrer une bonne image de l'islam, c'est la mosquée Et cela rentre dans la généralité de la parole de Allah Azza wa Jal. Fattakullah mastata'atum. Craignez Allah selon votre capacité. Ainsi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna hadha dinya yusr. La religion est facile. Et là, on précise une chose que certains parmi nous peuvent oublier. C'est qu'il n'y a pas la prière obligatoire avant la prière de l'Aïd dans le Musalla. لقول ابن عباس رضي الله عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما ومعه بلال. Rapporté par Al-Bukhari et Al-Muslim. Et si on prie dans la mosquée, on effectue la prière du salut de la mosquée qui est appelée Tahiyyat al-Masjid. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Et la sunna que l'imam commence par la salate et après par le discours. Et c'est venu que quelques compagnons radhiallahu anhum ont fait l'inverse. Mais comme on dit, l'exemple c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radhiallahu anhum s'ils ne contredisent pas la sunna. Et comme on a entendu au début de la conférence que la meilleure des guidées c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses interdites le jour de l'Aïd, c'est l'appel à la prière ainsi al-iqama. Et de dire que la salate est regroupante, ça veut dire as-salatu jami'a. Et aussi au discours, et aussi deux discours puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Et on peut trouver certains qui prennent comme preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué deux discours, un pour les hommes et un pour les femmes, qui se sont mises à donner de leurs bijoux. Donc cette déduction est fausse, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et si on fait de ça une règle à suivre dans la religion, c'est faux, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un discours pour les femmes, puisqu'elles n'ont pas entendu le premier parce qu'elles étaient loin. Et c'est l'avis de Cheikh Al-Albani et Cheikh Al-Muqbir rahimahullah ta'ala. Et Cheikh Yahya, hafidhahullah ta'ala, comme l'a dit, il a fait, il le fera, inshallah. Et ce discours doit être en arabe, sauf dans le cas où tout le monde ou la majorité ne le comprennent pas, et de préférence qu'il prononce les preuves du Qur'an et de la Sunna en arabe. Puis il dit leur sens en français et autres langues, car Ali radhiallahu anhu a dit, « Hadithu an-nas bima ya'rifun atuhibbuna ayyukadhdhab Allah wa rasuluh » rapporté par Al-Bukhari. Parlez aux gens de ce qu'ils connaissent, est-ce que vous voulez qu'on démonte Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si la majorité qui sont dans la mosquée ne comprennent pas l'arabe, c'est mieux de faire le discours en français et de dire les preuves en arabe après, de dire leur sens en français. Et je conseille tous ceux qui ne connaissent pas la langue arabe qu'ils fassent des efforts pour l'apprendre car c'est la langue du Coran ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait qu'en arabe. Et les textes, on n'arrivera jamais à bien les comprendre qu'en arabe. Et là, je vous cite quelques citations de quelques mécréants qui prouvent leur combat à anéantir la langue arabe. Parmi celles, la parole de Big Marière dit que les Français n'aiment pas la propagation de la langue arabe et un, il s'appelle Dirk Loni, le premier à avoir l'idée de traduire le Coran en anglais et le premier à l'avoir traduit, c'est Robert Tout, qui adresse un message aux musulmans en disant « Je vous attaque pas, comme le font beaucoup de nous avec les armes, mais je vous adresse un discours calme, raisonnable, sans haine, ni violence et avec un grand amour. » Et ça, c'est la meilleure méthode pour que les musulmans se convertissent au christianisme. Revenons à notre sujet, et que le jugement d'écouter le discours de l'Aïd et Sunna, Mustahabba. Et l'imam Ahmad a dit, si tout le monde part à qui s'adressera l'imam. Donc il faut écouter des discours et on sera récompensé ainsi que la prière de l'Aïd peut se faire avec deux au minimum. Pour la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. Rapporté par Muslim al-Bukhari, Bukhari et Muslim, عن Malik ibn al-Huwayrith رضي الله عنه. Lorsque vous partez, deux au minimum qu'on a indiqué le hadith en arabe, faites l'appel à la prière et effectuez l'iqama et que vous présidez celui qui est le plus âgé. Et en ce qui concerne le jugement de la prière de l'Aïd, elle est obligatoire pour tout musulman, comme l'a indiqué le hadith d'Omaraté, radhiallahu anha, et qu'elle est de deux rakat, comme l'a dit Ibn Abbas, radhiallahu anhuma, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla yawm al-fitr rakatayn, rawahu al-Bukhari wa muslim. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria deux rakat le jour de l'Aïd d'Al-Fitr, et l'imam ce jour-là effectue sept takbirat en plus de sept de l'ouverture de la prière, et cinq en plus après la takbira qui signale le début de la deuxième rakat, comme l'a indiqué عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر يوم الفطر في الركعة الأولى سبعا ثم كبر في الأخرى خمسا. Rapporté par Abi Daoud et Ibn Majah. Et aussi on évite de lever les mains à chaque takbira puisqu'on n'a pas de preuves sur cela, et on signale une chose qui peut être la prière de l'Aïd viendra en même temps que le discours et la prière du vendredi. Pour cela, c'est autorisé à ne pas assister ni au discours du vendredi et sa prière, et celui qui assiste aux deux, c'est autorisé puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَ فَلْيَشْهَدْ فَإِنَّا مُجَمِّعُونَ » Celui qui veut assister au vendredi, ça veut dire le discours et la prière, qu'il assiste, mais nous, on va effectuer le discours et la prière du vendredi. Et ça, c'est tombé un jour du vendredi, ça veut dire le Eid et le vendredi, ça a coïncidé le même jour. Et dans le hadith, il y a une orientation que c'est mieux d'assister au vendredi, et celui qui n'assiste pas, que ce sera, il ne sera pas puni. Et celui qui rate la prière de l'Aïd, il a pris 2 rak'at. Et celui qui rate ce qu'il a raté l'imam, qu'il rattrape comme l'a fait l'imam pendant la prière de l'Aïd. Et celui qui est incapable d'assister, qu'il l'a pris où il est, et de la façon qu'il peut, et parmi les sourates qu'il peut lire, de préférence comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par un musulman, عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة قاف واقتربت rapporté par مسلم et la sagesse de lire ces sourates comme l'a indiqué Ibn Qudama rahimahullah au Mughni et que parce que dans les deux premières ça veut dire سبح والغاشية il y a l'incitation à accomplir la prière et d'acquitter le monde fin de sa parole et dans les autres ça veut dire سورة قاف واقتربت il y a un rappel de la résurrection et l'état des peuples précédents et la destruction des menteurs et faire une parabole entre la sortie des gens le jour de l'Aïd et la sortie des gens le jour de la résurrection comme des criquets dispersés. Fin de la parole de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala sous l'explication du hadith numéro 891 de Sahih Muslim et à la fin on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous montre le bien comme un bien et nous donne la faculté de le suivre comme on lui demande de nous montrer le faux sur sa vraie image et qu'il nous donne la faculté de l'éviter. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.